Dieu des dieux, l'éternel, parle, il convoque la terre, du levant couchant de Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit, il vient puissamment. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une tempête violente. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple en attente. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Les cieux publient sa justice, car Dieu est juge, juste et sans artifice. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te reprends. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, car à moi est toute la terre, toute la loi. Mes paroles, que tu foules ma voix. Tu te fais complice du voleur. Tu prends plaisir dans l'adultère. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère sur la terre. Celui qui offre en sacrifice la louange me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu, ma justice se lèvera. Je te délivrerai et tu me rends.